C'était la fille d'un geôlier, grand Dieu, ce qu'elle était belle. C'était la fille d'un geôlier, grand Dieu, ce qu'elle était belle. Elle était belle, comme le jour un prisonnier lui fait l'amour. Elle était belle, comme le jour un prisonnier lui fait l'amour. Par un matin, la belle s'y lève sans fut trouver le juge. Par un matin, la belle s'y lève sans fut trouver le juge. À ses genoux, où elle s'y jeta, ayez pitié du pauvre soldat. À ses genoux, où elle s'y jeta, ayez pitié du pauvre soldat. Le juge la prit par sa main blanche, relevez-vous la belle. Le juge la prit par sa main blanche, relevez-vous la belle. Point de pardon pour ce soldat, il est jugé et il en mourra. Point de pardon pour ce soldat, il est jugé et il en mourra. La belle s'en retourna au logis de chez son père. La belle s'en retourna au logis de chez son père. Sous les travers, versant de son lit, les clés de la prison les prit. Sous les travers, versant de son lit, les clés de la prison les prit. Les clés de la prison les prit, à son amant les donne. Les clés de la prison les prit, à son amant les donne. Amant, sortez de la prison, voilà les clés de l'abandon. Amant, sortez de la prison, voilà les clés de l'abandon. De la prison j'en sortirai, ma charmante maîtresse. De la prison j'en sortirai, ma charmante maîtresse. De la prison j'en sortirai quand mon procès sera jugé. De la prison j'en sortirai quand mon procès sera jugé. Étant assis de sur un banc, parlant les deux ensemble. Étant assis de sur un banc, parlant les deux ensemble. Il se retourna, la tête à demi, il aperçoit le bourreau venir. Il se retourna, la tête à demi, il aperçoit le bourreau venir. Voilà l'instant, il faut mourir, ma charmante maîtresse. Voilà l'instant, il faut mourir, ma charmante maîtresse. Prends cet anneau que j'ai au doigt et fais un autre amant que moi. Prends cet anneau que j'ai au doigt et fais un autre amant que moi. Un autre amant, je n'en veux pas, je veux toujours le même. Un autre amant, je n'en veux pas, je veux toujours le même. Mourir ici, mourir là-bas, je veux mourir ir entre tes bras. Mourir ici, mourir là-bas, je veux mourir ir entre tes bras. Comme il montait sur l'échafaud, la belle fondait en larmes. Comme il montait sur l'échafaud, la belle fondait en larmes. En arrachant ses blonds cheveux en regrettant son amoureux. En arrachant ses blonds cheveux en regrettant son amoureux. Les juges se sont écriés, grand Dieu, quel amour tendre. Les juges se sont écriés, grand Dieu, quel amour tendre. Il faut les marier tous les deux, ces deux jeunes temps et jeunes amoureux. Il faut les marier tous les deux, ces deux jeunes temps et jeunes amoureux.